de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour une nouvelle émission d'Autour de vous, une émission spéciale qui est consacrée à la figuration dans les films et dans les séries. Depuis quelques années déjà, de nombreux tournages se sont déroulés dans nos belles Vosges. Nous allons parler de tout ça avec Guillaume qui est accompagné de sa fille. Bonjour Guillaume, comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors voilà, donc moi c'est Guillaume, j'ai 40 ans, j'habite à Bain-les-Bains et je suis accompagné de Jeanne, voilà, qui a 7 ans, qui est un petit peu impressionnée par le micro. Donc voilà, tu dis bonjour ? Bonjour. J'ai cherché ce que voulait dire le mot figuration sur internet et voici ce que j'ai trouvé. C'est un acteur ou une actrice à qui on demande que la présence dans une pièce de théâtre ou dans un film. Si tu pouvais me donner ta définition de la figuration, ça serait quoi ? C'est un peu ça, je suis un peu d'accord, c'est vrai qu'on nous demande de faire pas grand chose et surtout ce qu'on nous demande de faire c'est quand même assez précis. Ça reste vaste dans ce qu'on peut nous demander, après on en parlera tout au long de l'émission, mais par rapport au rôle qui nous est prédéfini et à l'emplacement qu'on peut avoir aussi par rapport à la caméra, voilà, on nous demande de bien faire attention quand on est dans le champ, quand on n'y est pas. Enfin, il y a plein de détails techniques, il n'y a pas de formation, hein, clairement, on est un petit peu jeté dans le bain comme ça et après il y a énormément de répétitions avant de faire les prises. Il y a énormément de prises qui sont faites, donc on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper et il y a vraiment une grosse équipe autour de nous qui nous encadre, et au moindre petit détail qui pourrait faire défaut en fait à la scène, on est repris et tout est recommencé quoi. Et comment est-ce que tu es devenu figurant ? C'est le pur hasard. En fait, on a vu une annonce qui est passée sur Facebook, comme quoi ils recherchaient des figurants. Et en fait, à la base, on a proposé à Jeanne, voilà, parce qu'ils cherchaient des enfants. Et c'est vrai que Jeanne, elle a tenté sa chance, elle a été sélectionnée. Et puis, dans le but de l'accompagner dans cette démarche-là, voilà, j'ai tenté et j'ai été pris aussi. T'as passé un casting, donc ? Ouais, alors il y a plusieurs types de sélections. Ils nous proposaient d'envoyer soit une vidéo ou une photo pour postuler à ce casting-là. Donc Jeanne, elle avait réalisé avec sa maman une petite vidéo de présentation qu'on avait envoyée. Et moi, j'ai tout simplement envoyé une photo à l'équipe de casting et on a eu une réponse assez rapide pour nous annoncer qu'on était sélectionné. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs figurants qui postulent pour un rôle ? Oui, alors il y a... En gros, moi... Personnellement, quand j'ai tourné, donc c'était sur Plombières-les-Bains, on a tourné plusieurs scènes. Et en fait, c'est des scènes que l'on voit apparaître dans les 8 épisodes. Et on s'aperçoit que jouer le rôle d'un soldat qui défile dans la rue, après je peux jouer le rôle d'un soldat qui est assis dans un bar. En fait, on se rend pas compte à l'écran, mais les figurants, c'est souvent les mêmes en fait. Et est-ce que les directeurs de casting, ils vous contactent pour savoir si vous êtes retenu à l'image ou non ? Par exemple, à Jeanne qui n'a pas du tout été retenue ? Pas du tout. En fait, la surprise, elle est au moment où on visionne la série à la télévision. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de tourner dans un petit environnement où c'était des scènes où il y avait peu de figurants. Donc, on avait quasi la certitude que... moi et les personnes avec qui on a tourné sur Plombières, on avait quasiment la certitude qu'on serait vu. Jeanne, elle a tourné, elle, sur Sunon. Et là, par contre, c'était les scènes qui se déroulent aux abords de l'hôpital. Pour ceux qui ont vu la série, ils sauront de quoi je parle. Et il y a énormément de monde sur la place. Et après, nous, on a vu la série à la télévision. On n'a pas encore eu le temps de la re-regarder en détail. Peut-être qu'on aperçoit Jeanne, mais sur une première vision comme ça à la télévision, on l'a pas vue. Il me semble qu'elle est encore sur une plateforme de streaming, sur Netflix, je crois. Ouais, et le Papa Noël nous a envoyé le DVD cette année. Donc, on va prendre le temps de le regarder. Après, ceux qui ont vu la série, voilà, ils pourront comprendre qu'avec Jeanne, qui n'a que 7 ans, on va être obligé d'attendre qu'elle grandisse un petit peu pour la regarder en détail. Moi, j'étais assez prise par cette série parce que je l'ai découverte sur Netflix, justement. J'ai dû regarder 3 épisodes par 3 épisodes. Mais ça, c'est très long. On peut passer une journée, mais l'histoire est tellement intense qu'on n'arrive pas à décrocher. On veut savoir tout de suite ce qui va se passer, etc. Ouais, bah c'est très prenant et c'est le but de chaque série. Hein. Il faut qu'à la fin de chaque épisode, on ait qu'une envie, c'est de regarder la suivante. Donc, c'est bien réalisé. Oui. Alors, la série dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la série Les Combattantes qui a été jouée avec Audrey Fleurot, Sophia Essaïdi, Camilou et Jolie de Bonin. Est-ce que c'est ton premier rôle en tant que figurant ? Ah oui, c'était vraiment la première fois que je faisais ça. Oui. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes de tournage à nous raconter ? Des anecdotes, pas spécialement. Après, c'est vrai qu'il y a quand même deux mondes quand on fait ce travail. travaille là, c'est qu'il y a le monde des figurants et le monde des acteurs. Les acteurs, même si certains sont assez accessibles pour échanger quelques mots, un autographe ou une photo, il y a quand même deux mondes différents et c'était impressionnant de voir à quel point tout est vraiment ficelé, toute l'équipe de régie en fait est là pour répondre à tous les petits besoins. Enfin, il y a une goutte d'eau qui tombe sur le lieu du tournage en l'espace de 10 minutes. Il y a 50 parapluies qui sont déployés sur tous les costumes. Enfin, voilà, c'est vraiment très très bien ficelé, très bien organisé, quoi. Et du coup, tu disais que tu as joué plusieurs rôles dans la série. Tu as joué quoi, du coup? Alors, moi, en fait, je jouais un soldat, un poilu, en fait. Mmh. Et c'est pas que je jouais plusieurs rôles, mais j'ai joué plusieurs types de scènes différentes. Et c'est vrai qu'au moment où je me suis rendu pour l'essayage costume, moi, je m'étais imaginé dans ma tête qu'on allait me fournir une paire de chaussures, un pantalon et une veste. Et c'est vrai que, en gros, non, on se met en sous-vêtements. Et il y a vraiment le souci du détail, c'est-à-dire que j'avais un maillot de corps que pouvaient porter les poilus, j'avais la sous-chemise, j'avais la chemise, on avait la veste, on avait la surveste, on avait vraiment la totale. Et ils font vraiment très attention aux petits détails pour que n'apparaissent pas à l'écran, je sais pas, un polo d'une marque connue actuelle ou des chaussettes qui seraient, qui n'auraient rien à voir avec l'époque en fait. Voilà. Elle a été tournée où, la série ? Donc moi j'ai tourné sur Plombières-les-Bains, et Jeanne a tourné sur Senon. Et il y a quelque chose qui est important aussi à savoir, c'est que les scènes que j'ai pu tourner à Plombières-les-Bains, il n'y a vraiment que les scènes extérieures qui sont tournées à Plombières-les-Bains. Je vais vous donner un exemple. On a tourné devant un bar à prostituées, et en fait à chaque fois que les acteurs rentraient dans ce bar, c'était coupé, la scène était coupée, et tout ce qui se passait à l'intérieur du bar ne s'est pas du tout tourné à Plombières, mais c'était réalisé en studio sur Paris. Donc c'est vraiment que la partie extérieure. Donc nous aussi, c'est ça qui est difficile en tant que figurant, c'est qu'on n'a pas le déroulé des scénarios, et des fois on comprend pas pourquoi on tourne une scène de 5 minutes ici, après on retourne une autre scène qui nous semble venir avant ou bien après. Enfin, c'était assez dur de suivre le fil du tournage. Alors, Les Combattantes, c'est une série de 8 épisodes qui dure un petit peu plus d'une heure chacun. Elle a été tournée du 12 mai au 13 août 2021. Combien de jours est-ce que tu as passé sur les plateaux, toi, Guillaume? Alors moi j'ai tourné 2 jours et une nuit également. Il y avait beaucoup de scènes de nuit qui étaient tournées justement par rapport au bar des prostituées. Et Jeanne, toi tu y es allée, je crois, 3 jours. Voilà, et donc Jeanne c'était sur Senon. Et ça doit être des journées assez longues parce que ça se fait pas en une seule prise. C'est ultra long. c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, déjà il y a l'arrivée et il y a toute la partie habillage, donc qui prend énormément de temps parce que comme je vous le disais, on a vraiment une tenue complète. Il y a un nombre assez impressionnant de personnes à habiller et après on passe donc au maquillage. Donc là aussi ça prend du temps et il y a aussi ce qu'on appelle la patine. Et en fait c'est juste après le maquillage parce que ce qu'il faut savoir c'est que tous les habits en fait quand on nous les fournit le matin du tournage, c'est des habits qui sont propres. Mais on est aussi amené à tourner des scènes où moi j'ai pu tourner une scène à un moment donné où je suis censé rentrer du champ de bataille. Donc automatiquement là on passe devant des maquilleurs et ils appliquent ce qu'on appelle dans leur jargon la patine et en fait ils usent le costume à l'aide de produits, de fausses terres et de choses comme ça pour que vraiment on ait l'impression, ils nous mettent un peu de terre sur le visage, ça faisait l'impression voilà qu'on rentrait du champ de bataille. Les journées devaient être longues aussi. Oui, c'était très long. Alors, moi et Jeanne, on a été convoqués à peu près vers 8-9 heures le matin. Et ça pouvait durer jusqu'à 18-19 heures. Ouais. Ça peut vite faire des journées de 10 heures. Et c'est long parce qu'il y a énormément d'attentes. Parce qu'il y a les grandes parties où tous les figurants se déplacent, qui sont faites à plusieurs reprises, mais il y a aussi toutes les petites parties de dialogue qui sont filmées de très près, qui sont refaites plusieurs fois. Et nous, on est assez loin puisqu'on est dans l'univers de la scène et on se rend pas compte vraiment de ce qui peut s'y faire et ça peut paraître long et on se demande pourquoi d'ailleurs ça n'enchaîne pas quoi. Et dans quelles conditions de tournage tu as tourné, par exemple? Est-ce que tu tournais quand il pleuvait? Alors, il y a une scène où effectivement, il y a eu un petit peu de pluie. C'était une scène de nuit. Et donc, voilà, on a un seul mot d'ordre, c'est de se protéger, protéger le maquillage, protéger les costumes. Donc là, il fallait rapidement se remettre à l'abri et que le réalisateur disait couper et action, hop, on repartait sous la pluie, voilà. Alors je suppose que Jeanne et toi, vous ne tourniez pas forcément le même jour. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus? Alors, oui, moi j'ai tourné, c'était donc sur Plombières, ça devait être début mai. Et Jeanne, elle a tourné vraiment plus tard, c'était presque un mois plus tard, donc sur Senon. Ce qu'il faut savoir, Jeanne, je sais pas si t'as envie d'en parler un petit peu, Jeanne, mais elle a tourné alors qu'il faisait des températures très très très très chaudes. Et les scènes qu'elle tournait, c'était plutôt des scènes hivernales. Donc elle était habillée avec des très très grosses vestes à l'ancienne, en velours bien bien côtelé. Et voilà, il a eu très très très chaud. Est-ce que vous avez rencontré les acteurs et actrices principales de la série ou pas? Petra et Fleurot. Ouais. Tu as vu Sophia et Saïdi aussi? Camilo. Oui. Ça reste des acteurs qui sont quand même facilement accessibles. Moi je sais que sur Plombières-les-Bains, je n'ai vu que Audrey Fleurot, Sophia Essaïdi et Yannick Chouara, qui jouent le rôle du tenancier du bar. Voilà, mais c'est des gens comme nous, hein. Ils disent bonjour, ils disent au revoir, merci, ils demandent si ça va. Enfin, ils sont vraiment intentionnés par rapport aux figurants. C'est-à-dire que à tout moment, voilà, ils s'inquiètent de savoir si on est bien, si on veut recommencer, et si on a le moindre redoutent, ils sont donneurs de conseils également, enfin, ça se passe vraiment très bien. Ça doit être vraiment génial ça comme expérience. Oui, c'était vraiment, ouais, c'était une très très bonne expérience. Nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de parler de votre expérience. On vous laisse avec une petite musique choisie par Jeanne, à savoir Bloody Mary de Lady Gaga. A tout de suite sur Radio Gémozo. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stone. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive them before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify the things you do. We are not just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I wait on mountaintops in Paris, going to power, my rare dessert. Écoutez Radio Gémozo 107.0. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Guillaume et Jeanne. Avant de faire cette émission, Guillaume, tu me parlais d'une personne qui avait loué les véhicules d'époque pour la série. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, alors c'est Jean-Luc, voilà. C'est aussi le petit avantage de ce genre d'expérience, c'est qu'on peut facilement nouer des liens. Et je me suis rapidement entendu avec Jean-Luc, voilà. Donc c'est un passionné, tout simplement, de vieilles voitures d'époque. Alors là, il a fourni les véhicules, donc, qui correspondait à ce type de série, mais il a énormément de modèles également. Et Jeanne aussi, elle a sympathisé un petit peu avec Jean-Luc. T'es monté dans ses voitures aussi. Oui. Voilà, c'est quelqu'un de très accessible, très ouvert, et voilà, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup sollicité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs, quand ils arrivent, on les met au volant de ces véhicules-là, qui ne se conduisent absolument pas comme les voitures de maintenant. Donc nous, c'était assez intéressant aussi de voir la petite formation à la conduite qui pouvait donner aux acteurs avant de tourner les scènes. Ouais. Mais je me suis toujours posé la question, comment ils font pour garder les véhicules en tant en bon état après des années et des années de... Alors justement, c'est pas spécialement des véhicules qui sont dans leur jus, et il est passionné, mais il est également restaurateur. C'est-à-dire qu'il peut très bien trouver des véhicules de ce type-là abandonnés, qu'on appelle un petit peu sortis de grange, et lui, il va apporter vraiment sa petite touche et puis faire en sorte que ce véhicule là soit rénové, mais ne paraisse pas non plus trop neuf, parce qu'il faut qu'il y ait, surtout pour ce genre de série, il faut quand même que le véhicule, on ait l'impression qu'il ait quelques marques d'utilisation. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure sur les costumes par rapport à la patine, il y a également une patine qui est mise en place sur les véhicules pour leur donner un aspect soit usé, très usé, voilà, suivant les scènes qu'il fallait tourner. À savoir qu'il y a plusieurs véhicules utilisés dans la série. Il y a des voitures normales et des camionnettes, je crois. Ouais. Alors, par contre, les camions, c'est pas lui qui les a loués. Donc, je pourrais pas trop en parler par peur de dire des bêtises. Mais voilà. Alors, les scènes où les camions ont été utilisés se sont déroulées à Bain-les-Bains, au sein de la manufacture royale de Bain-les-Bains. Donc, étant donné que on habite également sur Bain-les-Bains, on a pu aller se promener là-bas, où on avait la possibilité de visiter les décors. Alors les scènes où ont été utilisés ces fameux camions ont été tournées donc sur Bain-les-Bains, étant donné que nous habitons là-bas. On a eu la possibilité donc d'aller visiter le site de tournage, donc qui est la manufacture royale à Bain-les-Bains, et voilà, c'était intéressant. On a pu assister aussi à quelques scènes qui étaient tournées là-bas. On a pu apercevoir par exemple Laurent Gérard qui tournait dans la petite chapelle donc de la manufacture royale. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, toutes les scènes d'intérieur n'ont absolument pas du tout été tourné là-bas, mais vraiment en studio sur la région parisienne. C'est dingue, tous les moyens mis en place comme ça. Je savais pas que c'était fait comme ça. Je crois que c'était par exemple dans un seul endroit, quoi. Non, et c'est impressionnant, et c'est là qu'on se dit que le budget est fou. Et là où c'est le plus impressionnant, c'est que une scène qui va être tournée donc admettons à Plombières-les-Bains, où on voit Audrey Fleurot qui rentre dans le bar, la scène où on la voit apparaître dans le bar peut être tournée 3, 4, 5 mois après, donc en région parisienne. Et donc quand on regarde la série, on ne se doute absolument pas, tellement le raccord est précis, qui a pu se passer autant de temps entre les deux scènes, quoi. Est-ce que tu as gardé le contact avec d'autres personnes du tournage ou pas ? J'ai gardé le contact avec donc seulement deux personnes, Jean-Luc qui s'occupe des véhicules, et puis un collègue à moi avec qui on avait beaucoup défilé dans les rues de Plombières pendant les périodes, donc voilà, quelqu'un avec qui je communique régulièrement. Est-ce que tu envisages de postuler pour d'autres rôles en tant que figurant ? Ça pourrait m'intéresser, mais voilà, il faut du temps, il faut de la disponibilité. Et quand on a une activité professionnelle, c'est quand même compliqué à mettre en place, parce qu'il faut pouvoir se libérer assez facilement et assez rapidement. C'est-à-dire que nous, les dates auxquelles on a tourné, elles nous sont quand même annoncées quelques semaines avant. Donc il faut un employeur qui soit assez flexible. Mais si on effectue quelques scènes et que le soir, ce n'est pas terminé, on peut être amené à être convoqué le lendemain, et automatiquement, si faut aller au boulot, on peut pas être en train de faire de la figure. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la figuration, toi ? Pas d'envie particulière, c'était vraiment dans le but d'accompagner Jeanne dans cette démarche-là. Et voilà, aucun regret, c'était une super expérience. Et oui, si je peux le refaire un jour, je le referai volontiers. Est-ce que c'est rémunéré, la figuration ? Oui, c'est ce que tout le monde me demande. C'est rémunéré et même très très bien rémunéré. Alors je veux pas annoncer de chiffres parce que j'aurais peur de dire des bêtises, mais voilà, pour vous donner une ordre d'idée, voilà, j'ai tourné donc 2 jours et 1 nuit et je me suis fait oui plusieurs centaines d'euros pour ce petit moment-là qui au final était plus pour moi un amusement plutôt qu'une réelle activité professionnelle. Donc c'est tout bénéf. Jeanne, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait à Senon ? Avec mes fossés, on a couru avec les autres. Alors Jeanne, elle jouait le rôle d'une petite villageoise, donc elle était accompagnée d'une fausse maman et de ses fausses sœurs, comme elle les appelle, et voilà, ça lui a bien plu aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont plu ? Quand j'ai monté dans les voitures... Ben oui, Jeanne, elle s'est aussi rapidement entendue avec Jean-Luc et c'est vrai que les moments de pause entre les répétitions ou entre les prises peuvent être très longs. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, voilà, hein, c'est des temps qu'on arrive à gérer correctement. Mais les enfants, comme Jeanne, qui à l'époque n'avait même pas 5 ans, ça peut être super long. Donc dès qu'il y a la possibilité de jouer dans une voiture ou de faire une marelle avec les copines, voilà, c'était super intéressant aussi de pouvoir s'occuper. Et tu t'es fait des copines sur le tournage ? Est-ce que tu as des contacts avec elle ? Non. D'accord. Est-ce que tu étais un peu stressée ou pas ? Oui. Est-ce que tu aimerais rejouer dans une série ou un film comme tu as fait ou pas ? Oui. Oui, Jeanne, elle aimerait bien se lancer un jour dans le spectacle si possible. Jeanne, elle adore jouer la comédie, elle adore chanter, elle nous fait régulièrement ses petits spectacles à la maison. Ce qui est bien, c'est qu'en tant que figurant aussi, tu peux le faire dans les clips de tes chanteuses préférées. Ça dépend, il y a certaines scènes de clips de chanteuses où des fois il y a plusieurs personnes et tu peux apparaître dans le clip. Si c'était possible, Guillaume, est-ce que tu aimerais jouer la comédie en tant qu'acteur ou plutôt qu'en tant que figurant ? Sincèrement, je pense que je serais très mauvais. C'est que, voilà, la figuration, c'est intéressant parce que on n'a pas de rôle à jouer, ou enfin voilà, ça reste quelque chose de discret, même si on peut être amené à prononcer quelques mots ou quelques phrases, mais ça reste de l'effet de groupe, ou alors on défile en tant que soldat, ou on nous demande de crier, ou des choses comme ça. Enfin voilà, il n'y avait rien de très précis à jouer. On m'a demandé de dire une phrase que j'ai dite et qu'on entend, à la diffusion, et ça m'insupporte de m'entendre. Donc après, j'ai souvent entendu les acteurs, ou même certains chanteurs, dire dans certaines interviews qui détestaient se voir à l'écran ou s'entendre jouer. Et c'est vrai que moi, certes, on me voit pas mal à l'écran et j'apprécie pas plus que ça, quoi. C'est vraiment compliqué de s'entendre et de se voir à l'image comme ça. Et si tu pouvais donner envie à d'autres personnes de tourner, tu leur dirais quoi ? Que c'est vraiment une expérience à faire. C'est voilà, c'est un monde, hein, le monde du cinéma ou de la télévision. C'est un monde où tout semble facile, tout semble beau. Voilà, c'est une super expérience. Après, de là à en faire son métier, on sent tout de suite que ça peut être compliqué parce que c'est comme la plupart des grands acteurs ou autres, on peut être connu un jour et complètement méconnu dès le lendemain. Donc ça reste des métiers où faut vraiment que ça tienne dans la durée, quoi. Après, j'ai pu rencontrer sur place des personnes qui font de la figuration toute l'année. C'est-à-dire que c'est des personnes qui courent après tous les castings, tout ce qui peut être demandé à droite à gauche sur internet ou autre. Et voilà, après, une fois qu'on est quand même connu de certaines boîtes de casting, on peut être appelé régulièrement, mais c'est vraiment compliqué de pouvoir avoir un vrai salaire et en vivre correctement, quoi. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de parler de tournage dans les Vosges. On vous laisse avec Valentina et Huey Lewis and the News. Quel magnifique accent anglais. Et on se retrouvera juste après sur le 107. Sur la vitre qui ruisselle, la terre me paraît si belle. Je donne cet orage au désert, les neiges éternelles sur le quai. J'offre les jardins de Babylone à ce garçon pour qui mon cœur frissonne. Ne grandis pas trop vite, attends-moi, je sais qu'un jour tu viendras. Je voudrais qu'il m'embrasse sur sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. 107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Guillaume et Jeanne. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via notre site internet ou le 107 via leur autoradio ou leur transistor. Alors Jeanne, est-ce que tu peux nous expliquer tes choix de musique ? Chanson de Mercredi Adams et puis la chanson de Valentine. Non, y a pas que les grands qui rêvent. Et pourquoi t'as choisi les chansons-là ? Parce que je les aime bien. Pour tout vous avouer, actuellement, on les entend un petit peu en boucle à la maison. Donc voilà, je me doutais bien qu'elle s'orienterait sur ce choix-là. Ah, par un moment, c'était les Kids United, ça. Ah bah, elle connaît la totale aussi. Hein. Valentina, elle fait partie des Kids United. Ah d'accord, je m'endormirai moins bête ce soir. Alors pour l'actualité de tournage dans les Vosges, à savoir que des figurants sont recherchés pour le tournage du film Les Enfants après eux, qui est une adaptation du roman de l'écrivain vosgien Nicolas Mathieu. Il a d'ailleurs reçu le prix Goncourt pour cet ouvrage en 2018. Donc le roman va être adapté au cinéma. Le film des frères Ludovic et Zoran Boukerma, j'espère que j'écorche pas son nom de famille, sera tourné entre mi-juillet et mi-octobre 2023 dans les Vosges. Pour ce long métrage, la société de production Shifumi Productions et Trésor Film recherche des femmes et hommes de 18 à 70 ans, toute origine, tout profil. Tournage prévu entre mi-juillet et mi-octobre 2023 dans les Vosges. Il recherche également 60 femmes et hommes de 18 à 25 ans, toute origine au style grunge, BCBG, squatter, métalleux et classique, mais également des couples et des personnes avec des appareils dentaires pour une scène importante de soirée. Attention pour les garçons, pas de coupe de cheveux trop dégradée. Tournage prévu entre le 1er et le 4 août 2023 à proximité d'Épinal, prévoir plusieurs jours consécutifs. Il recherche également des garçons de 18 à 25 ans avec des cheveux mi-longs ou longs pour cette même scène de soirée. Tournage prévu entre le 1er et le 4 août 2023 également à Épinal, prévoir aussi plusieurs jours de tournage. Il recherche enfin des hommes entre 35 à 50 ans, athlétiques avec une maîtrise du canoë-kayak, tournage prévu entre mi-juillet et mi-octobre 2023. Est-ce que tu vas postuler pour la maîtrise du canoë-kayak, toi, Guillaume ? Non, je suis pas très à l'aise avec l'eau. Alors pour postuler, auditeur, rien de plus simple. Il te suffit d'envoyer des photos récentes en portrait et en pied, ton nom avec ton prénom, ton âge, ta taille et pour finir tes coordonnées avec ton adresse postale, ton numéro de téléphone et ton adresse mail. Et tu envoies ça à l'adresse suivante https://castpod.com. Je vous redonnerai toutes ces infos sur notre page Facebook. Guillaume, est-ce que tu penses postuler pour un des rôles ou pas ? Non, comme je le disais tout à l'heure, il faut du temps. Je suis en activité professionnelle, donc je pourrais pas me libérer. Mais comme je disais, si j'ai l'occasion de le refaire un jour, j'y retournerai volontiers. Parce que là, apparemment, ça serait pour plusieurs jours. Donc, je sais pas ce qu'ils appellent plusieurs jours. C'est assez indéfini, donc c'est pas facile. C'est ça le problème, c'est que les dates de tournage, on peut pas les avoir avant. Donc, si on est amené à faire tout le déroulé, c'est-à-dire on postule au casting, on est pris, on fait les essais de costumes, et puis si au dernier moment, on annonce qu'on n'est pas disponible, ça pourra pas fonctionner pour eux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux ? Oh, du bonheur, hein, Jeanne, plein de bonheur. De la joie. Tout ça. Des arcs-en-ciel. Oh, bah voilà. Des licornes. Cette émission est maintenant terminée, Guillaume et Jeanne, merci d'avoir été avec nous. Bah merci à toi, Laura, de nous avoir invités. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. J'espère que j'ai pas trop bégayé, j'ai pas trop écorché mes mots. Non, Jeanne pas du tout. Jeanne était stressée, je l'étais également. Donc merci en tout cas de nous avoir mis à l'aise, c'est gentil. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura, bye tout le monde.